nouvelle longue journée de travail. Ou à quoi ça sert un cerveau nettoyé par alcool? Ou à quoi ça sert un cerveau vidé par une drogue trop banale? Ou à quoi ça sert un cerveau quand réfléchir c'est mal? Ou à quoi ça sert? Ou à quoi ça sert? Ou à quoi ça sert? Ou à quoi ça sert? Ou à quoi ça sert un cerveau bourré de médicaments? Ou à quoi ça sert un cerveau sous calmant stabilisant? Ou à quoi ça sert un cerveau avec une anesthésie locale?